premier temps d'une série de la Fabrique de l'Histoire consacrée à l'histoire des rapports entre citoyens et pouvoir dans le cadre de la journée spéciale de France Culture. Aujourd'hui, France Culture ouvre le grand débat. Demain, nous évoquerons les dernières recherches sur la citoyenneté dans la Grèce antique avec Violaine Sébillotte-Cuchet et Vincent Azoulay. Mercredi, les exclus de la citoyenneté au 19e siècle en France. Et jeudi, une expérience pilote de citoyenneté municipale à Louviers dans l'Eure dans les années 60 et 70. Ça sera le documentaire de cette semaine. Et aujourd'hui, eh bien, nous allons nous intéresser aux contestations de la représentation en politique avec celui qui travaille depuis 20 ans maintenant, Yves Saint-Omer. Il est professeur de sciences politiques à Paris 8. Il est spécialiste de la question de la démocratie participative, mais également du débat entre démocratie directe et démocratie représentative. Quelles sont les autres revendications que vous mettez en avant ? Le référendum d'initiative citoyenne toute matière, le recul des privilèges d'État et le fait que toute classe sociale puisse vivre dignement. Je suis venu parler du RIC, du référendum d'initiative citoyenne, la clé qui nous permettra de récupérer du pouvoir, de pouvoir changer la constitution, destituer le président si on veut. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est le RIC, référendum d'initiative citoyenne ? Ça sert en fait à donner la parole aux citoyens pour ce qui est de proposer des lois, les annuler, les modifier et également pouvoir révoquer un élu quand il agit contre les intérêts du peuple. Mais justement, qui pourrait être à l'initiative d'un référendum ? C'est les citoyens ? Les citoyens. Oui, nous tous, tous ceux que vous voyez ici réunis, plus tous ceux qui nous soutiennent, puisqu'il y a du monde. Faut pas l'oublier, faut le rappeler quand même. Hein. Il faudrait quand même qu'il y en ait un certain nombre. C'est le cas en Suisse, il y a des référendums d'initiative en Suisse, mais il faut 100 000 personnes. Est-ce que là, ce serait un... Les seuils, on peut les fixer, on peut en discuter, ça c'est pas, on n'est pas... Ce serait quoi le seuil, justement? Pourquoi pas 500 000, déjà, ça me semble significatif. Justice sociale! Justice sociale! Un extrait du magazine C'est à vous à la télévision le 17 décembre 2018. Bonjour à vous, Yves Saint-Omer. Bonjour. Merci d'être avec nous donc pour ouvrir cette série d'émissions et participer à cette journée spéciale de France Culture ouvre le débat. Alors je l'ai dit, vous êtes professeur de sciences politiques et d'une certaine façon un peu à la façon de Charles Maurras, mais pas tout à fait avec le même contexte politique. Ce que vous connaissez, c'est une sorte de divine surprise. Divine surprise, peut-être pas, mais effectivement, on voit aujourd'hui se développer sur le devant de la scène des phénomènes que l'on pouvait analyser, observer, sentir, mais qui étaient restés assez largement, dans notre pays en tout cas, dans des niches de la politique. Et vous, vous les observez depuis longtemps. Vous avez travaillé depuis longtemps sur Porto Alegre, sur les forums sociaux mondiaux. Ça fait maintenant plus de 20 ans que vous cheminez sur les chemins, justement, de cette démocratie la plus démocratique qui soit, pourrait-on dire, toutes les questions qui se posent sur la représentation, sa contestation, mais aussi les autres modèles qui sont à l'œuvre, mais généralement dans des lieux particuliers, que ça soit dans des ZAD en France, dans l'Oregon, aux États-Unis, ou en Suisse ou ailleurs, vous vous interrogez sur les référendums d'initiative populaire. Et cela, évidemment, en tant que spécialiste de sciences politiques, vous n'êtes pas très nombreux sur ce thème-là, Yves Saint-Omer. Non, effectivement, initialement, en sciences politiques, la formation principale, c'était d'un côté les politiques publiques, de l'autre côté les études de parti, les analyses électorales, les mouvements sociaux aussi. Il faut le reconnaître, mais ces mouvements qui sont à la fois politiques et en même temps qui échappent à ce qu'est la politique institutionnelle traditionnelle restaient finalement assez dédaignés par la plupart de mes collègues. Je me rappelle d'ailleurs que au tout début des années 2000, lorsque je travaillais sur Porto Alegre, ma co-auteur, lorsque j'avais évoqué de consacrer quelques pages à l'idée d'une assemblée citoyenne tirée au sort, m'avait dit « mais t'as fumé le tapis, à quoi ça rime de parler d'une chose comme ça, il faut rester sérieux ». Et aujourd'hui, on voit que c'est repris, sous d'autres formes bien sûr, par des dizaines de milliers de personnes. Donc effectivement, on voit un changement. L'historien italien Carlo Ginzburg avait expliqué sa méthode en disant que c'était un peu la méthode de Morelli. Morelli, c'était un historien de l'art italien qui, pour réussir à identifier des tableaux dont on ne savait pas trop qui les avait Pain, disait il ne faut pas regarder les éléments centraux, le sourire, les yeux, car là, les disciples du maître ont eu l'habitude de recopier parfaitement le maître. Et puis en tout cas, si le maître passait simplement quelques minutes, il allait faire ça d'abord. Il fallait regarder des détails comme le lobe de l'oreille. Et j'avais l'impression que cela pouvait être le lobe de l'oreille de la démocratie, ces choses-là. On ne pouvait pas savoir si ça allait devenir beaucoup plus important, mais en tout cas, ça révélait des tensions en cours qui montraient que les édifices qui s'étaient constitués institutionnellement au XXe siècle étaient en train de se fissurer. Oui, alors, cette fissuration, pourrait-on dire, des édifices du XXe siècle est d'autant plus surprenante que on avait une sorte d'assurance qui était présente, y compris chez les commentateurs, chez les analystes, chez les hommes politiques eux-mêmes, que la démocratie, certes, telle qu'elle s'était mise en place dans les démocraties occidentales au XXe siècle, était imparfaite, mais que c'était un tel modèle qu'il allait s'imposer dans le monde entier, et que les transitions démocratiques se feraient sur le modèle des démocraties occidentales, Yves Saint-Omer. Oui, je crois que c'était très très largement partagé, cette idée, en particulier après la chute du mur de Berlin, que finalement il y avait un système qui avait triomphé pour des bonnes raisons. Et le meilleur à l'exception de tous les autres. Voilà, et que il allait peu à peu s'étendre au reste de la planète, peut-être à l'exception de cultures comme la culture musulmane, la culture confucéenne, qui semblait inhospitalière à la démocratie, mais en tout cas, c'était le sommet de l'évolution historique. Mmh. Et il me semble que cette grille de lecture-là, qui était très largement partagée, avec des versions caricaturales et des versions plus nuancées, posait un double problème. Le premier problème, c'est qu'elle se focalisait... C'était une vue pour les insiders, comme on dit, pour ceux qui faisaient partie du cercle exclusif de ces démocraties, en oubliant que cela avait été possible sur la base, vous allez y revenir cette semaine, d'exclusion de gens qui n'en faisaient pas partie. Et qu'en regardant les exclus, on pouvait justement voir comment s'étaient construites ces démocraties-là. Absolument, absolument, que ces démocraties-là ne pouvaient pas se comprendre simplement à partir du point de vue des vainqueurs, entre guillemets, à partir du point de vue des inclus, de ceux qui avaient bénéficié de cela. C'est vrai que le cercle s'était étendu. Bien largement, tout de même. Bien largement, mais bien largement jusqu'à un certain point. Prenons un exemple, mais qui est fondamental. Sans la mise à disposition des ressources naturelles du monde entier, jamais l'Occident n'aurait pu atteindre le développement rapide qu'il a pu avoir. C'est la thèse carbone-démocratie. C'est la démocratie du carbone, c'est-à-dire que si nos sociétés ont été démocratiques, elles l'ont été parce que on a pillé les ressources naturelles de la planète à bas coût pour pouvoir justement créer une énergie qui permettrait justement cette démocratie d'exister. Si les Chinois et les Indiens avaient consommé comme nous à l'époque, le prix de l'énergie aurait été tel que nous n'aurions pas connu ce mode de développement. Et on voit aujourd'hui que ce n'était pas universalisable. Donc, il me semble que c'est le premier problème de ces vues qui pensaient que nos systèmes politiques constituaient le point culminant politique de l'histoire de l'humanité, c'est qu'ils oubliaient les exclus et la base sur lesquelles les inclus pouvaient développer leur système. Et puis, la deuxième erreur, qui est familière, je crois, pour en termes de prendre en compte cette erreur-là pour les historiens, c'est de comprendre que l'histoire ne s'arrête pas et qu'il était totalement irréaliste de penser que ce qui avait été conçu à la fin du XVIIIe siècle, véritablement mis en place après la Seconde Guerre mondiale, stabilisé pendant quelques décennies, allait se perpétuer à l'infini. Oui, mais cela c'est aussi parce que on a cessé de faire des relations entre le présent qui était en train de se dérouler, la chute du mur de Berlin et ce qui avait suivi, avec des passés lointains, en tentant de faire des analogies. Et ce matin, on entendait au matin de France Culture les invités hésiter à faire des analogies en tant qu'historien, parce qu'ils se disaient, on voit bien qu'il y a des contextes totalement nouveaux et qu'il faudra attendre un certain temps pour le voir. Vous les voyez à l'œuvre depuis maintenant au moins une vingtaine d'années, Yves Saint-Omer, ces contextes totalement nouveaux. Ce qui peut être surprenant, y compris pour vous, c'est le changement d'échelle. Oui, bien sûr, parce que on ne peut pas. L'histoire sert énormément à comprendre les dynamiques historiques. Et en même temps, évidemment, il est bien difficile de savoir ce qui adviendra dans 20 ans, dans 10 ans. Ce que l'on peut mettre en avant, c'est des tendances qui travaillent le présent et d'essayer d'extrapoler et de faire des scénarios. On sait bien que dans le socialisme du 19e siècle, par exemple, il y avait des dizaines de tendances et que, mettons, deux d'entre elles ont pris le dessus, la tendance jaurésienne et la tendance guédiste, laissant de côté les alémanistes, les possibilistes et tous ceux qui étaient pourtant aussi importants à un moment donné dans le socialisme de la fin du 19e siècle. Donc on sait bien que effectivement il y a des moments où certaines tendances l'emportent et d'autres sont malheureusement mortes-nées. Absolument, c'est pour ça qu'on ne peut pas faire des prévisions en disant « il va se passer ça ». Très probablement, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a plusieurs scénarios. Et par contre, ce qu'on peut dire aussi, c'est exclure certains scénarios. Et par exemple, le scénario d'un statu quo indéfini a peu de probabilité. Alors, vous qui travaillez, Yves Saint-Omer, depuis très longtemps maintenant sur ces alternatives à la démocratie représentative, sur ces modifications des conditions de représentation. Par exemple, vous avez vu naître quoi pour que nos auditeurs voient dans leurs oreilles et sous leurs yeux, d'une certaine façon, ces possibilités de ces 15 ou 20 dernières années qui sont nées un peu partout. Elles sont nées au Brésil, elles sont nées dans les forums sociaux mondiaux, elles sont nées dans les campagnes des ZAD, elles sont nées un peu partout, elles sont nées à Occupy Wall Street. C'est quoi ces possibilités qui sont devant nous et qui peut-être, pour certaines d'entre elles, vont finir par l'emporter ? Je crois que la première des possibilités, malheureusement, et ce n'est pas parce qu'aujourd'hui nous vivons un mouvement de révolte plébéien extrêmement fort qui secoue tout notre système politique qu'il faut l'exclure, c'est d'une involution autoritaire tout de même. Nous voyons aujourd'hui, à l'échelle internationale, particulièrement en Europe de l'Est, mais aussi en Italie, en Inde, en Amérique latine... Au Brésil. Voilà, au Brésil, des mouvements qui sont des mouvements autoritaires, xénophobes, et on ne peut exclure une évolution dans ce sens-là. Il faut aussi mentionner le fait qu'aujourd'hui, et les spécialistes comme Fabien Jobard l'ont bien mis en évidence, l'utilisation par la police française de la répression ne suit plus la ligne de ses voisins européens et qu'il y a une intensité croissante dans le niveau de répression qui risque d'enclencher des spirales extrêmement dangereuses. Donc ça, c'est une première tendance auquel nous avons affaire. La deuxième tendance, c'était d'une certaine manière celle que l'on avait jusque-là majoritaire en France, que l'on pouvait extrapoler. C'était ce que le politologue Colin Crouch en Angleterre a appelé la post-démocratie. C'était l'idée, finalement, il y a encore la liberté de la presse, les élections libres, les partis politiques en compétition, on peut dire ce qu'on veut sur Internet et dans la rue, mais finalement, les grandes décisions, elles sont prises ailleurs. Pensez à François Hollande qui, au moment de sa campagne électorale, dit « mon ennemi, ça sera la finance ». Et puis qui, finalement, fait à peu près la même politique que ses prédécesseurs. Parce que déjà, il y a très longtemps, Lionel Jospin avait dit, quand il avait dit, à propos de la fermeture de Vilvorde, l'usine de Renault, eh bien, il avait dit, en l'occurrence, la politique ne peut pas tout. Donc, voilà. Le ministre des Finances allemand qui dit aux Grecs quand ils discutaient, c'est pas une élection qui va changer les choses. L'ancien président de la Banque fédérale américaine qui dit, c'est très bien, aujourd'hui, les grandes décisions, c'est les marchés qui les prennent, c'est plus le président des États-Unis. Alors, il avait peut-être pas pensé à Trump. Donc, ça, c'est la post-démocratie. Ça, c'est la post-démocratie. Et puis, je crois qu'un troisième scénario que l'on pourrait peut-être saisir, dont on pourrait saisir les potentialités aujourd'hui, c'est une démocratisation de notre système. On a eu des vagues de démocratisation dans le passé qui n'ont jamais abouti à un système parfait, mais tout de même qui ont sacrément transformé le pays. Pensez au suffrage universel masculin d'abord, puis universel tout court. Pensez à l'État social. Pensez à ce qu'a pu représenter la création des partis de masse pendant un moment. Les masses, les gens ordinaires, pendant des décennies, y compris quand ils avaient le droit de vote, ils étaient aux marges du système politique. Ils ne pesaient pas sur lui de façon active. Ils étaient au mieux des masses de manœuvre. Et les partis de masse ont permis, à un moment donné, avec des variantes différentes, les partis communistes, les partis sociaux-démocrates, les partis démocrates chrétiens dans d'autres pays, que ces masses-là, elles participent, elles soient actives dans le système politique. Et ça, cette partie de masse, par exemple, pour vous, en tout cas, momentanément, c'est assez remis en cause. C'est-à-dire que vous pensez, Yves Saint-Omer, que nous sommes au crépuscule de ces parties de masse. Clairement, ils sont derrière nous. Il y a encore eu des formations de nouveaux partis de masse, pensez à l'AKP en Turquie, ou à celui qui est le plus grand parti à l'échelle internationale, le BJP de Modi en Inde, mais ce sont des partis autoritaires, voire très autoritaires. On n'a pas de nouveaux partis qui, à la fois une assise sociale extrêmement forte et qui soit démocratique depuis 20 ans ou 30 ans. Alors laissons de côté la question de l'involution autoritaire qui peut, comme vous l'avez dit, arriver, en l'occurrence Yves Saint-Omer, celle de la post-démocratie, et intéressons-nous à ces formes que vous appelez démocratisation du pouvoir. Ces formes, et c'est peut-être aussi pour cela qu'on ne les a pas vues venir, sont extrêmement variées, ne sont pas représentées par des représentants, parce que beaucoup d'entre elles ne veulent pas de représentation, et ça pose effectivement une question, même pour les observateurs, que de les voir évoluer, les voir se répandre dans le monde entier, parce que effectivement elles sont quasi imperceptibles, ou du moins on les imagine comme étant possibles sur des domaines restreints, dans des lieux qui sont eux-mêmes restreints, et pas à l'échelle d'un pays, par exemple, en l'occurrence. Oui, il est difficile de le saisir, comme vous le disiez très bien, elles sont extrêmement diverses, ces formes. Ce qui est significatif, c'est qu'à la fois, on les voit surgir dans des pays très divers. Il s'agit d'un mouvement structurel, c'est pas simplement un problème français, même si en France, la crise prend des formes paroxystiques. Mais donc c'est un phénomène général, et en même temps, on voit des dynamiques qui sont assez différentes l'une de l'autre. Est-ce que, par exemple, sur ces questions de contestation de la représentation, un phénomène comme celui des Tea Party aux États-Unis, vous le faites entrer dans ces questions-là? Bien sûr. Le phénomène du Tea Party a été un phénomène où une partie de la droite dure américaine a décidé d'imiter les techniques d'organisation et de mobilisation qui avaient été celles de la gauche radicale dans les années précédentes, ou dans les décennies précédentes, ce que ne faisait plus la gauche. Ce qu'on appelle le community organizing, analysé en France par Julien Talpin. Le fait d'organiser les populations des groupes les plus marginalisés, les plus dominés dans la société, pour leur permettre d'agir, d'un côté, et puis de se saisir des réseaux sociaux de l'autre, pour réussir à marquer le paysage politique, eh bien, alors qu'Obama avait été un community organizer dans sa jeunesse, il avait complètement délaissé ce terrain-là. Sauf pour l'usage des réseaux sociaux pour sa propre élection. Oui, mais il avait délaissé l'organisation communautaire, dite communautaire aux États-Unis, c'est-à-dire des groupes dominés. Et le Tea Party s'en est saisi, et aujourd'hui, c'est d'une certaine manière le retour aux origines appuyé sur les mouvements, sur les réseaux sociaux, eh bien, on a les mouvements de contestation de la présidence de Donald Trump qui reprennent ces techniques-là et qui s'en servent d'une manière extrêmement dynamique. Alors, on peut dire qu'il y a donc ces Tea Party d'un côté, sur les territoires européens ou ailleurs, il y a les Occupy, par exemple, qui sont un autre mode d'usage des places, des lieux urbains pour pouvoir s'y installer. On a eu Nuit debout en France, Occupy Wall Street, et puis d'autres Occupy qui se sont mise en place, ou le mouvement des places pendant les révolutions dans le monde arabe. Ça, c'est un autre type d'organisation. Oui, c'est assez différent, car dans le premier, la mobilisation sur Internet se couple avec une organisation durable de ces groupes les plus démunis. Alors que dans les mouvements de type Occupy, ou Indignés, Nuit debout, ou en France, on a quelque chose qui est plus éphémère, une organisation, une mobilisation de type plus libertaire, où clairement on refuse le fait d'avoir des représentants qui pourraient contraindre à travers le fait d'être dirigeant d'une organisation structurée, et on a une organisation, disons, en réseau, voilà donc uniquement. Voilà donc aussi pourquoi on les a mal perçus, ou peut-être pas perçus, contrairement à vous, en l'occurrence Yves Saint-Omer, ces mouvements, parce que leur caractère éphémère laissait entendre qu'il ne pouvait pas y avoir inscription dans le temps de ce type de volonté démocratique, en l'occurrence. On entendait beaucoup au moment de Nuit debout, dont l'ampleur n'a pas été comparable avec celle des Indignés espagnols, ni même d'Occupy Wall Street aux États-Unis ou de mouvements similaires à Hong Kong, à Taïwan, révolution arabe. Mais on entendit dire beaucoup au moment de Nuit debout quelle va être la traduction politique de ce mouvement, de cette mobilisation. Ce qui sous-entendait d'un côté que ces mouvements-là n'étaient pas politiques et que de l'autre côté, finalement, cela ne serait véritablement important que lorsque cela serait inscrit dans la politique électorale. Alors que, précisément, c'est aussi d'autres manières de la politique, de faire de la politique, qui aujourd'hui sont émergentes. Alors, il y a eu 2005, il y a eu le référendum de 2005 et le refus de la France, des Français, d'accepter ce texte d'Amsterdam. Ce moment était-il perceptible avant, par exemple, en travaillant sur les newsgroups, sur les discussions qui étaient des discussions préliminaires, pourrait-on dire, avant même les réseaux sociaux qui n'existaient pas encore à cette époque-là. Est-ce que on pouvait percevoir justement cette volonté de contester? On a vu remis sur le devant de la scène une personnalité comme Étienne Chouard, qui à l'époque avait été le principal contestataire sur ces newsgroups de ce référendum de 2005. Est-ce qu'on pouvait percevoir cela justement à bas bruit, pourrait-on dire, oui, tout Yves Saint-Omer? Oui, tout à fait. Ce qu'on ne pouvait pas prévoir, c'était la vitesse à laquelle ce mouvement se développerait. Et il est clair, de ce point de vue, que les réseaux sociaux donnent un outil technique extraordinaire à ce genre de mobilisation qui contourne les organisations existantes et les institutions existantes. Mais on pouvait... Déjà, les forums, ce qu'on appelait les forums à l'époque, dans le premier Internet, pourrait-on dire. Bien sûr, bien sûr. Et donc, on sentait cela, on sentait des tentatives de... Reprenez la campagne de Ségolène Royal, il y a une dizaine d'années en maintenant. En 2007, oui. Qui avait saisi... Au moment où vous travailliez, vous, sur le pouvoir du peuple, justement. Oui, elle avait saisi quelque chose sur cette idée qu'il fallait faire de la démocratie participative, même si ses formes étaient dans sa campagne électorale, notamment relativement contestable. Mais, en tout cas, on pouvait percevoir que quelque chose bougeait, que finalement, la glace était en train de dégeler et qu'un phénomène allait se produire qui allait bouleverser les choses. Alors, il y a donc ces contestations civiques, pourrait-on dire, de la politique représentative. Et si on suit, par exemple, ce que disait dès 2005-2007 quelqu'un comme Étienne Chouard, qui est revenu sur le devant de la scène, je l'ai dit, à propos du RIC, du référendum d'initiative citoyenne voulu par certains gilets jaunes, il y a... un ennemi. Et alors cet ennemi, il est surprenant parce que c'est un révolutionnaire, mais c'est un révolutionnaire particulier sur lequel vous avez vous-même travaillé, Yves Saint-Omer. C'est Sieyès. Sieyès apparaît pour cette pensée du référendum d'initiative et ce qu'il apporte comme l'ennemi. Pourquoi Sieyès, l'abbé Sieyès, est-il l'ennemi de ce type de représentation, de souveraineté populaire, de capacité de révocation des élus, etc. La Révolution française a été d'une richesse extraordinaire. Il y a eu, d'une certaine manière, tous les mouvements que nous voyons aujourd'hui pouvaient être perceptibles en germe dès la Révolution française, si on voulait grossir un petit peu le trait. Parce que la Révolution a duré longtemps, et parce que justement, y compris des acteurs comme Sieyès, ont pu être des acteurs du tout début, et de la toute fin de cette révolution française. Alors, tous les acteurs n'ont pas eu cette chance-là. Il y en a certains qui ont fini sous la guillotine. Condorcet en particulier. Mais disons que Sieyès, qui était à l'évidence l'un des plus talentueux des révolutionnaires et des constitutionnalistes révolutionnaires, son empreinte a été tout à fait capitale dans les différents textes constitutionnels qu'a connu la France à cette époque. Sieyès représente de la façon la plus cohérente l'idée que ce sont les élus qui peuvent seuls incarner la nation et donc définir l'intérêt général et donc avoir le monopole des décisions. Et donc il l'a fait sous une forme extrêmement claire, extrêmement précise. Il est cité aujourd'hui, disons, dans les cours, dans les livres de divulgation, et du coup c'est un ennemi à la fois... facile et privilégié. Parce que il serait celui qui a, aussitôt ce pouvoir accordé au peuple, rapté le pouvoir du peuple au profit d'une petite classe d'élus qui va se l'approprier et enlever tout de suite la possibilité au peuple de continuer à gouverner. Alors, il ne faut cependant pas caricaturer l'œuvre de Sieyès. Ah non, ce que je veux dire, c'est comme ça qu'on le voit. Voilà, c'est comme ça qu'on le voit, parce que un de ses grands problèmes, c'était de dire comment maintient-on l'unité de la nation lorsque le roi disparaît. Comment éviter que finalement cette nation, qui dans la tradition française doit être unie, doit être une, se fragmente en une multiplicité de provinces, de groupes d'intérêts, de corporations. Et du coup, l'élection, la constitution de l'Assemblée nationale est la réponse à cela. Que se passe-t-il, mes frères ? Je ne vois plus d'horizon sur terre. Pourtant, tous les jours, j'espère que la raison l'emporte sur la colère. L'avenir se consume et sombre. Je ne vois plus que son ombre. Que le jour se lève enfin. Personne ne connaît la fin. Quelques gouttes de pluie, mais personne ne les a vues. J'entends des voix ou quelqu'un crie. Personne ne bouge. Qui m'aurait cru ? Crois-tu en ce monde merveilleux qui nous est promis ? On devrait se réjouir, mais pourtant je n'ai rien choisi. Qui décide à ma place une poignée d'hallucinés qui s'endorment dans des palaces ? Pourtant je crois en l'homme et en l'humanité. Mais trop souvent je me sens trompé. Tous les jours à la télé, mais loin de notre réalité, se pavanent les incompétents qui, en pleine campagne électorale, nous parlent comme à des enfants, deviennent subitement nos frères. Ces ignorants qui parlent de nous comme s'ils partageaient notre pain, mais s'empressent le lendemain de briser nos êtres chers. Pour les truands, le revolving a remplacé le revolver. Mon combat a déjà commencé et je rêve à croire que tu es à mes côtés. Il viendra des pluies douces, il coulera des larmes amères. Et plus personne à la rescousse, plus personne sinon la mère. Allez, j'arrête de m'apitoyer sur notre sort. De toute façon, j'entends déjà que ça gronde dehors. J'explose en sanglotant en ma rage. Je voudrais tellement pouvoir changer l'ordre des choses. Mais je ne peux que noircir des pages et des pages. Déverser ma colère en rimes, en vers, en prose. Tous ces mots destinés juste à nous mentir pleuvent en trombes sur nos vies comme des furies déchaînées. Alors je crie en silence. Et j'écris la décadence comme un conteur de belles histoires. Mais personne ne connaît la fin. Est-ce qu'on doit garder un peu d'espoir ? Tous ceux qu'on laisse au bord du chemin, les gueux, les racailles et les triseaux, les femmes, les clandos et les clodos, ceux dont le beau monde se fout. Mais qui sont les fous ? Oui, il y a de l'or au fond des hommes, et dehors il y a des hommes, et encore je déraisonne. Tu voudrais entendre une happy end ? Mais dans mon cœur il y a trop de haine. Je sens la colère dehors comme une brise sur ma peau, l'impression de ne faire qu'un avec l'espace. Je voudrais retrouver ma carapace. Pour qui sonne le glas ? Pour le monde qui sombre avec éclat ? Une dernière danse pour la terre qui se débat. De Paris à Babylone meurent nos valeurs et des traîneurs. Tu leur diras si tu Je voudrais crois, changer si tellement l'ordre des choses, disait la chanson L'Homme parle, du groupe L'Homme parle, justement. Et effectivement, la surprise, c'est que certains qui voulaient changer l'ordre des choses sont peut-être en train de le changer. On ne sait pas encore dans quel sens, en l'occurrence, et nous en discutons avec vous, Yves Saint-Omer, dans cette journée spéciale de France Culture. Sur France Culture ouvre le grand débat. Je rappelle que vous êtes vous-même, donc spécialiste, en tant que spécialiste de sciences politiques et professeur de sciences politiques à Paris 8, de ces alternatives à la démocratie représentative, ces contestations de la démocratie représentative. Il faut citer le très bel article que vous venez de consacrer dans un numéro spécial que vous avez coordonné avec d'autres de raisons politiques, que vous avez coordonné avec Corinne Penaud et Samuel Hayat. Ce numéro 72 de la revue Raisons politiques, eh bien, vous y intervenez sur la question de la représentation incarnation. Et vous dites, en fait, qu'est-ce que c'est que la représentation donc telle qu'elle a été pensée par les disciplines politiques, que ça soit depuis Hobbes et le Léviathan, en passant par Carl Schmitt, par aujourd'hui, plus proche de nous, Chantal Mouffe ou d'autres, ou encore, effectivement, les questions qui sont portées par les représentants des ZAD dans nos sociétés ou des Occupy. Et vous dites, il faut vraiment réfléchir à cette question de l'incarnation pour pouvoir comprendre pourquoi un certain type d'incarnation est en panne. Cette nécessité de représenter le peuple par quelques-uns. Alors effectivement, c'est l'idée de ce numéro et plus largement de programme de recherche sur ce qu'est la représentation, ce qu'est l'incarnation, était finalement assez simple. C'était de faire le constat qu'aujourd'hui, on pense la représentation, surtout à un niveau institutionnel, comme un mandat donné par le peuple ou un parti du peuple à des représentants élus qui vont pouvoir décider ou parler en son nom. Avec deux modalités, un mandat libre où celui qui est élu fait ce qu'il veut d'une certaine façon, un mandat impératif où celui qui est élu est tenu par une promesse. Voilà. Et puis, en reprenant d'une façon historique les origines de la notion de représentation, nous nous sommes aperçus, en suivant notamment des grands historiens allemands de ce thème-là, qu'il y avait une autre matrice, qui était une matrice que l'on peut appeler d'incarnation, où les représentants s'identifient au tout, le tout s'identifie à eux sans qu'il y ait eu un mandat, une volonté explicite. Alors, ça passe par des modalités extrêmement différentes, c'est né notamment dans les communes médiévales, et souvent ça a été interprété sous une forme autoritaire, c'est le souverain, c'est le chef qui incarne à lui seul la communauté politique. Ce qu'il faut noter, c'est que nos régimes représentatifs ont combiné de facto ces deux formes de représentation. D'un côté, il y a bien un mandat électoral qui est donné, mais de l'autre côté, l'idée, par exemple, qu'un référendum d'initiative populaire ne soit pas légitime, alors même qu'il pourrait exprimer l'ensemble de la communauté politique, de sa volonté, c'est bien cette idée que seuls les élus sont capables, lorsqu'ils sont réunis, en tout cas, d'incarner la nation. Le corps politique. Le corps politique est incarné par les élus, par l'Assemblée nationale. Et ce qui se développe aujourd'hui, je crois, c'est des formes d'incarnation qui sont différentes à la fois de ce modèle, disons, de la démocratie représentative, mais aussi du modèle autoritaire. Pensez au mouvement des Gilets jaunes aujourd'hui. On a bien des figures qui sont des incarnations de ce mouvement-là, qui peuvent lancer des mots d'ordre et réussir à rassembler des dizaines de milliers, des centaines de milliers de personnes sur les places. Mais leur capacité à mobiliser ne repose ni sur une organisation dont ils seraient les chefs, ni sur un pouvoir légal qui ferait qu'une fois qu'ils ont énoncé quelque chose, les autres doivent suivre, repose sur leur capacité à convaincre, à être en syntonie suffisante avec les personnes qui se mobilisent avec elles. Et il me semble qu'il est intéressant de comprendre à la fois l'ancrage historique et puis la spécificité de cette incarnation-là. Parce que cette contestation de l'incarnation traditionnelle, pourrait-on dire, telle qu'elle s'est déployée au long des 19e et 20e siècles, correspond parfois à ceux qui, comme Claude Lefort, par exemple, parlaient de désincorporation du pouvoir, c'est-à-dire qu'effectivement, le pouvoir serait vide désormais, et que d'une certaine façon, ça devient un lieu vide et qu'il n'a plus de place pour cette incarnation. C'est ce que, plus ou moins, on peut lire dans le numéro d'Esprit, le double numéro qui vient tout juste de sortir sur l'inquiétude démocratique, Claude Lefort au présent. Et puis d'autres qui disent, non, au contraire, il peut se réincarner différemment. Ce que vous appelez, qu'on peut appeler les populistes, même si ce terme a été dévoyé pas mal de fois, les philosophes comme Chantal Mouffe ou Ernesto Laclau disent oui, il faut qu'il y ait une tête de pont, quelqu'un qui incarne le pouvoir pour pouvoir justement porter le pouvoir du peuple. Et puis il y a tous ceux qui, par ailleurs, disent ben non. Il n'y a pas besoin de représentation, il n'y a pas besoin de personne qui porte la parole. On s'appelle tous Camille, comme dans les ZAD, et garçon comme fille, on peut prendre la parole, mais on s'appellera Camille, on ne saura pas qui nous sommes. Alors, les grands auteurs, et Claude Lefort d'un côté, Ernesto Laclau ou Chantal Mouffe de l'autre, font partie des grands auteurs, sont toujours intéressants, même quand on n'est pas d'accord avec eux. Ils font réfléchir, ils donnent en quelque sorte des points cardinaux, et même si on va au sud, eh bien, on sait que c'est l'opposé du nord, en quelque sorte. Je crois que la thèse de Lefort sur la désincarnation, la désincorporation du pouvoir, l'idée que le pouvoir était un lieu vide, parce qu'avant il était incarné par un monarque et qu'avec la révolution, bah, on lui coupe la tête et puis plus personne ne l'occupe de façon définitive. On s'y succède, comme on succède à la tribune, est une thèse forte. En même temps, elle passait sous silence deux choses. D'une part, le fait que les personnes qui succédaient à la tribune, ils faisaient partie d'un même groupe social. C'était des hommes cultivés, des hommes riches, des hommes de la métropole. Et puis que la façon, pour certains de ces représentants, d'incarner la nation à travers leur personnalité continuait à être une donnée fondamentale de la vie politique. Oui, d'autant que effectivement le nouveau président que nous avons depuis maintenant un peu plus d'un an et demi a réincarné de façon très importante ce pouvoir jusqu'à se faire surnommer Jupiter en l'occurrence. Donc effectivement, on a une réincarnation du pouvoir. C'était peut-être un lieu vide, mais en tout cas, c'est un lieu qu'il a voulu remplir en tous les cas. Et on voit bien dans la détestation presque personnalisée que de nombreux gilets jaunes ont de la figure du président, qui a bien une incarnation là, en négatif pour le mouvement des gilets jaunes. Mais on voit bien que ça joue. Voilà. De là, alors à l'opposé, quelqu'un comme Laclau, quelqu'un comme Chantal Mouffe disent qu'il n'y a pas de politique s'il n'y a pas une incarnation dans un leader. Parce que d'une certaine manière, c'est toujours cette vieille, qu'on retrouvait chez Sieyès, cette vieille préoccupation de faire l'unité, d'avoir un moment de synthèse qui ne pourrait s'incarner que dans une seule personne. Et le charisme. Et le charisme, évidemment. Et là, on voit bien, là encore, que ça a pu jouer à la fois... je sais pas, penser à De Gaulle avec l'appel du 18 juin, penser à Martin Luther King au moment de la lutte pour les droits civiques, penser à Gandhi dans la campagne pour l'indépendance de l'Inde. Et en même temps... Avec un leader comme Gandhi qui se place comme représentant des intouchables alors que lui-même fait partie des castes supérieures. Voilà, et ça marche. Parce que son mode de vie et son éthique fait que c'est crédible. Et que tout le monde qui va parler aux profondeurs du peuple indien, qui était jusque-là assez loin des querelles politiciennes, y compris des nationalistes. Donc on voit bien que ça joue aussi. Mais on voit bien aussi que ça ne m'épuise pas tout. C'est pas la même chose d'être un leader comme, Hitler, qui prend le pouvoir et qui réussit à instaurer un ordre totalitaire sur le peuple allemand, et puis d'être un Gandhi qui n'a que la force de son aura, de son charisme, et qui ne dirige pas en gouvernant, mais en suggérant, en convainquant, par sa personne, par son exemple. Et je crois qu'aujourd'hui, on a l'émergence de formes qui peuvent aller jusqu'à un refus complet d'une incarnation qui prenne une face. Vous citiez les Camilles tout à l'heure. Les Camilles, rappelons pour nos auditeurs qu'effectivement, voilà, chaque fois qu'on demande un entretien à quelqu'un qui est participé par exemple à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, eh bien, chaque personne qui va se présenter pour pouvoir donner cet entretien va s'appeler Camille et point barre. On n'aura pas de nom de famille, et qu'il soit homme ou femme, c'est un prénom qui peut être porté par les hommes et par les femmes, et c'est parfait. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'on retrouve ce phénomène-là dans des situations extrêmement diverses, des collègues qui travaillent avec moi en Chine, sur la façon dont dans un pays où il est interdit, ou dangereux en tout cas, de s'ériger comme le porte-parole d'un groupe organisé, constate qu'il y a une sorte de représentation interactive. C'est-à-dire que les gens qui sont dans des réseaux sociaux ensemble vont porter une parole, qui est une parole à la fois personnelle, ils ne disent pas « je suis le porte-parole de », c'est trop dangereux, mais en même temps, ils font comprendre, et tout le monde comprend, qu'au-delà d'eux, il y a des gens qui sont en interaction sur les réseaux sociaux avec eux. Et cette possibilité que tout un chacun, d'une certaine manière, soit le porte-parole, est, je crois, un principe qui monte fortement aujourd'hui. Oui, alors qui correspond aussi peut-être à un individualisme contemporain, à cette idée aussi que l'on peut justement porter en soi le monde seul, d'une certaine façon, et vous insistez bien, par exemple, sur certains des slogans de cette radicalité de tradition libertaire, dites-vous, dans cet article de Réseau Politique, Yves Saint-Omer, vous insistez sur l'idée que, par exemple, eh bien, on peut contester l'installation d'un parc éolien dans le Haut-Languedoc en disant « c'est la nature qui parle à travers nous, nous sommes la nature, d'une certaine façon, et donc nous sommes les avocats de cette nature, et nous parlons » comme la nature parlerait en interdisant ce parc éolien. Oui, nous sommes la nature, ça signifie deux choses. Ça veut dire qu'on refuse l'idée que les humains, les hommes, domineraient la nature. Par-delà, donc, nature et culture. Voilà. Et puis, deuxièmement, l'idée que, du coup, tout un chacun, en défendant des causes qui sont les causes de la nature, exprime, incarne, d'une certaine manière, la nature. C'est à la fois individualisme, mais en même temps très solidaire. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement de défendre son bout de gras, mais de défendre, comme tout un chacun, des choses, des valeurs qui peuvent être universelles et pour lesquelles d'autres se mobilisent en même temps que nous. Et vous dites, c'est assez proche de ce qui traîne sur le net, qui est une figure du net, qui s'appelle le mème. Alors le mème ne s'écrit pas comme en français avec un accent circonflexe, mais avec un accent grave. Et le mème, c'est une sorte de viralité qui va de loin en loin. C'est peut-être une image, ça peut être une petite vidéo qui, à chaque fois, est rechargée d'un nouveau sens par chacune des personnes qui l'utilisent. Et vous dites, en fait, il y a dans cette démocratie qui ne prendrait pas de porte-parole et qui serait toujours de tradition libertaire, il y a quelque chose de ce mème-là, en l'occurrence. Oui, je crois que cette capacité d'être à chaque fois le même et à chaque fois un autre en même temps et sans que cela soit contradictoire, qui est ce cas du même, parce que la figure initiale c'est toujours la même, mais en même temps placée dans un contexte différent, elle prend une signification un peu différente, eh bien c'est quelque chose que l'on peut retrouver avec ces porte-paroles de mouvements sociaux. Et ceux qui portent le masque des Anonymous, de Guy Fawkes, voilà, par exemple. Donc le masque d'Anonymous, de la même manière, qui s'est répandu comme une traînée de poudre. On l'a vu encore d'ailleurs récemment encore dans certaines manifestations des Gilets jaunes. Mais peut-être penser de façon presque plus banale à la mode. La mode, c'est quoi? C'est à la fois de jouer sur un phénomène où on doit suivre la mode, mais où en même temps, l'idée, c'est de s'individualiser sur la base de ce phénomène-là. Je crois que ça correspond bien, quelque part, à notre époque. Alors, ce qui est tout à fait étonnant, effectivement, c'est que beaucoup de vos collègues, et peut-être vous-même d'ailleurs à certains moments, étaient désespérés de voir le désintérêt pour la politique qui était en train de gagner nos sociétés. On voit depuis 2 mois et demi, en tout cas, un intérêt nouveau pour la politique. Vous parlez, vous, d'énergie civique qui s'est déployée depuis le début du mouvement des Gilets jaunes. Alors, on ne sait pas si ça va s'inscrire dans le temps ou si ça va être un feu de paille, en l'occurrence. Mais c'est vrai que cette question va à l'encontre de l'idée que les Français, mais pas simplement les Français, les démocraties occidentales seraient des démocraties épuisés qui ne s'intéresseraient plus à la question politique. Oui, alors j'étais quant à moi désespéré de l'évolution du système politique institutionnel qui me semblait être en décadence en ce moment, en France en particulier, mais pas seulement. Et en panne d'idées peut-être aussi. Et en panne d'idées complète. Mais par contre, j'ai toujours défendu l'idée qu'aujourd'hui ce n'était pas un désintérêt pour la politique que l'on pouvait concevoir, constater, c'était un désintérêt pour cette politique institutionnelle-là. Mais que d'autres thèmes qui peuvent être tout aussi politiques était, par contre, faisait l'objet de mobilisations importantes. On le voit avec les Gilets jaunes, mais pensez à ce mouvement MeToo. C'est profondément politique, ça remet en cause les rapports de pouvoir quotidiens dans tous les domaines, des entreprises à la presse, en passant par le spectacle et les universités. Et donc je crois qu'on a, de ce point de vue-là, quelque chose qui a été profondément politique, qui n'est pas venu du tout des partis officiels, qui les a secoués, parfois rudement. Et donc ces énergies civiques-là, le problème, c'est comment faire pour qu'elles puissent impacter ce système politique, qu'elles puissent aboutir à des changements institutionnels, constitutionnels, structurels. Ça reste encore devant nous. Et le représentant des médias que je suis, évidemment, a commis une erreur, puisque sur le fil Twitter de la Fabrique de l'Histoire, il y a quelqu'un qui me dit, membre des ZAD, vous parlez des représentants des ZAD, il n'y a jamais eu de représentants des ZAD. Donc effectivement, il faut toujours faire attention à ce que l'on dit, en l'occurrence. Alors, quand vous évoquez ces initiatives, ces possibilités qui s'ouvrent devant nous, vous allez chercher en Oregon, en l'occurrence, qui est un État qui, depuis longtemps, a créé, depuis un siècle, la question de l'initiative citoyenne, mais qui depuis quelque temps, dites-vous, a inventé un jury citoyen. Alors un jury citoyen tiré au sort, il y a déjà le référendum d'initiative citoyenne en Oregon, donc ça c'est vieux, comme en Suisse, ce qui n'existe pas véritablement en France. Et puis, entre-temps, on invente un jury citoyen tiré au sort qui va donner son avis et qui va émettre son avis avant que le corps électoral ait pu être consulté, en l'occurrence, Yves Saint-Omer. Oui, là, nous allons sortir parallèlement un numéro de la revue Participation sur ces questions, avec en particulier un accès libre, un article sur l'Oregon. L'idée est relativement simple, elle est de dire il est fondamental qu'il puisse y avoir l'initiative citoyenne, qu'elle puisse aboutir à une votation où le peuple décide directement sur des questions importantes, mais il faut introduire davantage de délibération dans ce processus-là, et en particulier le fait de faire discuter... Et pas simplement une délibération médiatique dans les radios couper, ou télévisions. Il faut coupler la délibération médiatique à des moments de délibération effectués par des simples citoyens dans des conditions presque idéales. Et du coup, c'est un jury de citoyens tiré au sort qui va discuter du texte de l'initiative et qui va donner son avis à l'ensemble des électeurs, non pas pour les contraindre, mais pour les éclairer, leur donner un avis mûrement pesé. Je crois que c'est important de réussir à coupler plusieurs dimensions de ces nouvelles pratiques démocratiques. Oui, ça veut dire qu'il y a tout de même un triptyque et qu'il ne faut pas l'abandonner, d'après vous. En l'occurrence, Yves Saint-Omer, ça serait d'abord les élections que nous connaissons, le tirage au sort, qui peut s'y ajouter, et puis les prises de décision directes des citoyens par l'intermédiaire du référendum. Et ça pourrait fonctionner ensemble à des doses et d'une façon dont on n'a pas encore déterminé les usages, en l'occurrence. Oui, on pourrait même ajouter la démocratie participative institutionnalisée, telle qu'elle se fait par exemple à Paris avec le budget participatif parisien. Donc effectivement, je crois qu'il est important de complexifier la démocratie, pour reprendre une expression de Pierre Rosanvallon, et de voir qu'il n'y a pas de solution idéale, pas de solution simple, et qu'il y a plusieurs fonctions, plusieurs dynamiques qui sont tout à fait importantes, et qu'il faut savoir articuler un système où on joue avec ces différentes dynamiques. C'est à ce prix-là qu'on va faire retourner justement les citoyens qui progressivement s'étaient éloignés des urnes, s'étaient éloignés de la vie politique, à une vie politique qui prendrait plus en compte leurs aspirations en particulier, et peut-être aussi cette notion d'empowerment, de pouvoir d'agir que vous mentionnez aussi pour les classes les plus défavorisées de la société, les classes populaires, par exemple, l'idée qu'ils ne sont pas dessaisis de leur propre destin. En tout cas, si l'on veut redynamiser l'ensemble et relégitimiser l'ensemble du système politique, on a intérêt à innover dans ce sens-là. Encore faut-il le faire sérieusement. On voit que bien souvent, lorsque l'on ouvre un processus de débat ou de démocratie participative et que les résultats ne sont pas à la hauteur, les citoyens ressortent plus déçus qu'ils n'étaient entrés initialement, car il y a eu des attentes qui ont été soulevées. Et si les résultats ne sont pas au rendez-vous, alors on ne sait pas vers où nous allons aller. Ouais. On a le patron du grand débat voulu par le gouvernement. Il est en face de moi. Il s'appelle Yves Saint-Omer. Ça pourrait être vous qui pourriez diriger ce grand débat. Non, surtout pas. Mais je crois qu'à la fois le grand débat, s'il est mené véritablement de façon ouverte et avec une synthèse qui soit une synthèse digne de ce nom, peut ouvrir des voies de rénovation. Si c'est simplement un piège, seulement du spectacle, seulement des débats mal organisés et une synthèse arbitraire, alors je ne sais pas dans quel scénario nous allons nous trouver. Mmh. Est-ce que ce que nous avons vécu avec le mouvement des Gilets jaunes peut être associé à ce que Jacques Rancière appelait l'irruption des sans-part, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas leur place d'une certaine façon, ils n'ont pas leur part dans la vie démocratique? Oui, je crois que c'est une très bonne illustration. Beaucoup de gens qui se sont mobilisés là sont des gens qui n'ont pas accès à des cercles de pouvoir où l'on peut véritablement peser, qu'ils soient médiatiques, économiques, politiques. Et du coup, leur manière de prendre la parole, de revendiquer leur part dans la cité, c'est de se mobiliser comme ils l'ont fait. Simplement, ce mouvement-là doit également réussir à déboucher sur des solutions institutionnelles. Ça n'empêchera pas d'autres mouvements de ce type-là dans l'avenir, mais il faut coupler à la fois cette mobilisation par en bas et puis des changement structurel de nos institutions. Dans un article de ce dossier de la revue Esprit sur l'inquiétude démocratique et sur l'influence que peut encore avoir la pensée de Claude Lefort sur nos sociétés démocratiques, Arthur Guichoux, qui est un doctorant en philosophie, dit qu'en fait, reprend le terme des voies sauvages. Tel que Claude Lefort l'évoquait pour l'histoire démocratique. L'histoire démocratique emprunte des voies sauvages sous l'effet de revendications qui se sont avérées immaîtrisables, disait en 1981 dans l'invention démocratique Claude Lefort. Est-ce que vous pensez que c'est une des voies sauvages que nous avons empruntées depuis deux mois ? Bien sûr, et effectivement, peut-être pas tous, mais une bonne partie des changements démocratiques que nous jugeons a posteriori progressistes, positifs, ont été le résultat de mobilisations sauvages et de voix sauvages. Maintenant, pour s'ancrer dans la durée, on ne reste pas dans cette sauvagerie, entre guillemets, en permanence, bien sûr. Oui, c'est d'autant plus drôle, effectivement, que de voir que dans notre imaginaire français, en particulier républicain, la Révolution française tient une telle part et que dès qu'il y a débordement de violence, on oublie effectivement que cette violence a été extrêmement présente pendant la Révolution française et que c'est d'elle qu'est sorti justement le régime sous lequel nous vivons encore aujourd'hui, Yves Saint-Omer. Oui, et puis si on veut pousser le parallèle un peu plus loin, on voit bien aujourd'hui que certaines formes sauvages, particulièrement sauvages, prises par l'immobilisation dans notre pays, renvoient au fait que nos structures, la Ve République telle qu'elle a été songé et pratiqué jusqu'à aujourd'hui, est un système qui laisse tellement peu de place au contrepoids, qui laisse tellement peu de place à une élaboration qui ne vienne pas simplement d'en haut, que assez logiquement, elle provoque en réaction des formes de protestation qui sont radicales, qui sont anti-système, puisqu'à l'intérieur du système on ne peut pas peser, alors c'est de l'extérieur du système qu'il faut agir et réussir à peser. Merci beaucoup Yves Saint-Omer d'être venu pour présenter votre travail et analyser à partir d'un article récent en particulier qu'il faut conseiller à nos auditeurs de lire dans la revue Raison au pluriel politique numéro 72 que vous avez co-dirigé avec Corinne Penaud et Samuel Ayat, donc réfléchir à cette question de l'incarnation et de la représentation dans nos sociétés démocratiques et évidemment en lien avec cette journée de France Culture à l'occasion du lancement du grand débat national. Sachez que tout à l'heure, donc Cyril Delage, cofondateur de Cap Collectif, qui doit mettre en place la plateforme internet du grand débat, sera dans le journal de Thomas Cluzel, qu'à la grande table, eh bien, on parlera justement des intellectuels avec Agathe Cagé et François-Xavier Bellamy. Et également, plus tard, dans le grain à moudre ce soir, Patrice Maniglier et Raphaël Enthoven discuteront de « Peut-on débattre sans limite ?» Quant à nous, toute la semaine, nous allons traiter de cette question des rapports de citoyenneté au pouvoir, et en particulier demain sur la participation citoyenne dans la Grèce antique. Merci à vous, Yves Saint-Omer. Comme d'habitude, cette émission a été préparée par Céline Leclerc et par Aurélie Marcé. Clément Daté était aujourd'hui avec nous à la technique et Marie-Laure Ciboulet à la réalisation. Vous pouvez écouter ou réécouter cette émission en allant sur le site internet de France Culture, franceculture.fr. Consultez nos pages, justement, qui vous donnent des bibliographies par ailleurs. Et puis discuter avec nous sur le groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire ou nous suivre sur le réseau Twitter comme quelques-uns de nos auditeurs qui nous ont fait des remarques en direct aujourd'hui. L'adresse donc de Twitter, c'est Fabrique FC.